La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831 poste. Exploit remarquable d'un gars de Chicoutimi qui s'est fait récemment, c'est Jonathan Noël qui a couru une course de 165 km, à peu près environ 100 000 en Gaspésie récemment. Et on sait qu'il y en a un ici à Debout-Mississippi qui fait ce genre de compétition-là, c'est Dominique Tremblay. Question un peu de savoir qu'est-ce qui le motive à faire ça, 165 km. Surtout en Gaspésie, ça devait quand même être assez montagneux. On parle avec Jonathan Noël. Salut Jonathan! Bonjour. En fait, c'est le quotidien qui nous... En effet, c'est le quotidien qui nous apprenait ça en fin de semaine sous la plume de Joanne Saint-Pierre. Courir 165 km, qu'est-ce qui motive Jonathan Noël à faire ça? J'ai commencé à courir il y a plusieurs années. Oui. Puis, j'ai découvert une passion pour la course à pied. Puis, j'irais à de fil en aiguille, je me suis dirigé vers des courses un petit peu plus longues. OK. Puis j'ai eu la piqûre. Je vous dirais, là, c'est vraiment une passion, là. Puis j'adore courir. J'adore être dans le fond, dans les sentiers, là, seul contre le sentier, puis persévérer, puis justement, là, faire des courses d'endurance. OK. C'est quoi la différence? Il y a sûrement une différence entre courir sur route et courir en forêt. C'est pas du tout la même comparaison. Hein. C'est pas du tout le même genre de course, j'imagine, là. Oui, en effet, parce que lorsqu'on est sur route, il n'y a pas beaucoup de dénivelé positif. Là, ce que je veux dire par là, c'est des côtes. Donc, on peut plus facilement là gérer notre rapidité dans notre cadence de course. Donc, on est plus tendant à tenter à regarder notre monde puis à regarder nos paramètres. Pour ce qui est de la course en forêt, c'est un peu plus... ça vient plus là de nos sentis, de ce qu'on ressent vraiment. Donc, quand on va avoir une grosse côte, on va plus diminuer notre rythme, puis on va gérer la course d'une façon complètement différente. OK. Toi, de ce que je peux voir, t'aimes beaucoup plus la course en sentier, c'est ça? En plein ça. J'ai fait quelques courses sur route, sauf que je préfère nettement là, la course en sentier. OK. Pourquoi, hein? Parce que c'est les sentiers, parce que c'est montagneux, c'est plus exigeant. C'est quoi, en fait? Pourquoi tu préfères ça plus que de la course sur route? Ben, en gros, c'est sûr que en sentier, on évite tout ce qui est automobile, trafic, ouais. Congestion, lumière. Puis, d'un autre sens, on se retrouve un peu plus avec la nature. Je dirais, là, on peut plus se recentrer là un peu sur nous. Puis les sentiers sont vraiment beaux là, ce qu'on a ici justement là au Saguenay ainsi qu'au lac. Il faut comme en profiter, puis pouvoir courir en forêt là, je pense qu'il n'y a rien de mieux là. C'est beaucoup plus technique aussi là. Il y a un circuit là-dessus, hein. Il y a un circuit là-dessus. Je pense c'est Dominique Tremblay qui gère la coopérative des Deux-Rives Normandin et fait partie compétitionne également. Il y a un circuit, hein. Oui, il y a un circuit qui a été créé au Saguenay là, tout récemment. Je pense que ça a commencé même l'année passée. OK. Avec un, deux, trois go, des courses en sentier. C'est ça. Justement, là, je vais avoir fait deux de ces courses-là au courant là, de mon été. Là. OK. La préparation, parle-moi de la préparation maintenant. Ça te demande-tu une préparation importante? Oui, en fait, là, c'est sûr que, comme je répète souvent, là, n'importe qui peut faire n'importe quel exploit, là, mais c'est sûr que si on veut pouvoir, justement, là, finir fort, puis pas être blessé, ben, il faut une bonne préparation. Okay. Il a fallu que j'enchaîne là, des semaines avec plus de 100 km par semaine de couru, là, ce qui demandait des efforts aux alentours de 12 à 15 heures. C'est sûr qu'il y a une bonne gestion, là, une bonne préparation à faire là, pendant plusieurs mois avant une course là, de ce type. Mais de ce type-là, tu dis 100 km, mais il n'y a pas de danger de blessure à un moment donné, ton corps, ton corps en trouve pas qu'il t'en demande trop, il n'y a pas un danger là-dessus 100 km, c'est beaucoup, là. Ben oui, en effet, là, c'est sûr qu'au-dessus de 100 km, il faut avoir vraiment une bonne préparation. Il faut que les muscles là, aillent ce qu'on appelle du volume, là, beaucoup de kilomètres, là, pour pouvoir là, accomplir là, la mission. Moi, comme cette année, là, ça a super bien été, j'ai eu aucune douleur. Là, deux jours après, je continue à courir, donc c'est très, très bon aussi. Là. OK, OK. Du côté de l'alimentation, comment qu'on fait pour s'alimenter? Est-ce que ça demande une... J'imagine qu'on pratiquement à quelqu'un qui court, je sais pas moi, qui fait partie du circuit Jacour, là, genre, qu'on a dans la région, là. J'imagine que l'alimentation est différente aussi? C'est sûr que l'alimentation est différente parce que durant 165 km, il faut manger tout au long de la course. Okay. Fait que c'est sûr que l'alimentation durant la course est complètement différente. On peut pas juste prendre là, des power gel ou des jupes de coureur. Ça fonctionne très bien là, pour les courses aux alentours de 3 à 5 heures. Sauf que quand on court pendant, exemple, 10 heures, 30 heures, 20 heures, ben là, il faut vraiment là, des repas un peu plus consistants. Là. OK, OK, OK. Donc, oui. Dans le journal Le Quotidien, c'était l'édition du Progrès Dimanche, la nouvelle édition, là, tu mentionnais que c'était important que le tour de la Gaspésie était, ou l'épreuve qui a eu lieu en Gaspésie, t'étais pas mal fier de l'avoir réussi. Pour quelle raison, hein? Que j'étais prêt à l'avoir réussi. T'étais très heureux de l'avoir réussi. Parce que c'est une épreuve prestigieuse, Ben, en fait, c'est que normalement, les courses, là, aux alentours de 165 km, on retrouve aux alentours de 4000 à 6000 mètres de dénivelé positif. OK. Celle-là, en Gaspésie, avait 8500, donc c'est une des courses là les plus difficiles, là, je dirais, en Amérique du Nord. Par justement là les multiples sommets qu'on a dû monter parce que c'était dans les Chic-Chocs là, donc on a monté là le mont Jacques-Cartier, ensuite d'autres monts là. Puis c'est une course très très éprouvante là, c'est pour ça que quand on réussit à accomplir la finir, ben c'est déjà un accomplissement en soi. Par la suite, bien se classer, c'est encore mieux, là, mais je pense que, vu que c'était une première édition, je pense que tous les coureurs là, visaient en premier lieu là, de finir la course. Là. OK, OK. Il y a combien d'adeptes de ce circuit-là sur la scène provinciale et même nationale? C'est une bonne question. Je dirais que durant ces courses-là, on retrouve normalement là, entre 75 à 150 participants. Okay. Puis c'est sûr qu'il y a des courses là d'envergure qui ont déjà une renommée là en France par exemple, eux autres là, on va retrouver plus de participants, aux alentours de 2000 participants. Là. Mais au Québec, c'est comme en essor là, ça commence à grandir là tranquillement, puis je pense que la popularité là est en croissance là présentement. OK, prochaine compétition pour Jonathan, c'est quoi? C'est dans 3 jours, en fait 4 jours. OK. C'est le Québec Méga Trail 50 km. OK. C'est au Mont-Saint-Anne. OK. Donc, ça, c'est une épreuve qui est difficile? C'est une épreuve... Ben, je pense que chaque course a leur niveau particulier, ouais. Ouais, celle-là, c'est le gros niveau de difficulté, c'est que c'est une course qui est roulante. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on peut courir rapidement pas mal l'ensemble de la course. Donc, c'est une course qui se gagne là, très rapidement. Donc, ça va être ça le niveau de difficulté. Là, ça va être de gérer au niveau de la chaleur, l'hydratation, puis le rythme de course là assez soutenu là pendant 50 km. OK. Ben, on va se reparler tantôt. Bravo, c'est une belle expérience. C'est quelque chose de génial que tu fais là. Puis c'est pas mal le fun de voir un gars de la région qui semble avoir réussi une belle exploit. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Voilà, donc il a participé récemment à une compétition en Gaspésie du 165 km.